téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Nous nous rendons en Arménie. Alors, nous aurions pu aller à Marseille ou à Alfortville auprès de la communauté arménienne, mais aussi en Inde, oui, à Madras. Alors, direction l'Arménie, l'Arménie à Marseille, à Alfortville, en Arménie bien sûr, et également à Madras. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il nous faut une constitution. Oh, la belle idée du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Nous connaissons cette constitution suédoise de 1720, la première constitution, ou alors le projet de constitution pour la Corse en 1765. Bien sûr, il y a les constitutions pour les gouvernements de Pologne sur la réforme qui est projetée en 1772, ou alors la constitution américaine, celle des 13 premiers États en 1787. Et pourquoi pas une constitution arménienne. Comment l'idée d'une Arménie indépendante et républicaine a-t-elle pu émerger au XVIIIe siècle à Madras, là-bas, si loin, en Inde? Et au XIXe siècle, tous ces voyageurs occidentaux qui traversent le Caucase, quel regard portaient-ils sur l'Arménie? Allez, direction le bout du monde, direction l'Inde, en passant par l'Arménie. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous nous intéressons à la construction de l'imaginaire national de l'Arménie. Et c'est vrai que je posais cette question, comment l'idée d'une Arménie indépendante et républicaine a-t-elle pu émerger à Madras, en Inde, là-bas, si loin? Et déjà, que faisaient les Arméniens en Inde? Pour nous aider à répondre à cette question, vous êtes avec nous aujourd'hui, Satenig Badvagan Toufanian, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur de philosophie, docteur en histoire. Vous avez publié Le piège de l'orgueil, un projet républicain en Orient au XVIIIe siècle. C'est publié aux presses de l'INALCO. Et puis vous avez également publié Rendez-vous à Madras aux éditions Tadé, très récemment en novembre 2020. Dites-nous, quel est ce piège de l'orgueil? Le titre est sublime. Oui, alors le titre est très très évocateur, mais en même temps très énigmatique, très confus, enfin on ne sait pas trop comment on doit le comprendre. Le titre signifie, donc pour les auteurs, le fils et le père Shah Mirian, puisque c'est un ouvrage qui a été écrit par successivement par le fils Agop et ensuite complété et imprimé, publié par son père Shah Amir. Ce titre signifie en fait un moyen pour piéger l'orgueil entendu comme la volonté individuelle de se considérer comme étant au-dessus de la loi commune. Donc ce piège de l'orgueil ou ce piège pour l'orgueil, ce sont les lois en fait d'un pays qui sont censées être conçues de telle façon qu'elles empêchent tout acte par lequel un individu chercherait à dominer les autres. Eh bien, quand ce texte est écrit, Le piège de l'orgueil, en Inde, donc à Madras, nous sommes en 1773. C'est un moment où les constitutions sont à la mode. Il y a des constitutions rédigées partout. Mais déjà, qu'allaient faire les Arméniens à Madras ? Oui, oui. Alors, j'ai bien noté vos deux questions en introduction. Qu'est-ce que les Arméniens faisaient à Madras et pourquoi? Donc, déjà, ce qui peut paraître un premier paradoxe, et pourquoi est-ce que c'est à Madras que la première constitution pour l'Arménie a été rédigée? En fait, c'est très, très simple et logique. Alors, que faisaient les Arméniens à Madras? On est dans une émission consacrée au voyage, n'est-ce pas? Et les voyages, le mot voyage pour nous aujourd'hui évoque quelque chose de très plaisant, mais les voyages, ce sont aussi les déportations, les migrations, pas toujours voulues, ou les déplacements, pas toujours désintéressés, comme ceux des marchands. Donc, pour comprendre ce que les Arméniens faisaient à Madras, pour l'essentiel, parce qu'il y a eu des Arméniens en Inde, notamment à Agra, à l'époque de Akbar, du roi moghol Akbar. Mais pour l'essentiel, les Arméniens d'Inde et les Arméniens de Madras viennent du Caucase. Donc, il y a eu des déplacements de population que je vais très, très brièvement résumer. Il y a trois grandes étapes. La première étape, c'est la ville de la bourgade, la cité de l'ancienne Djoulfa, au Nakhitchevan, cette province au bord du fleuve Araxe, dont a parlé le professeur Mahé hier. Donc, ça, c'est ce qui partage, c'est la rivière qui délimite le sud de l'Arménie et le nord de l'Iran. Et cette cité de Djoulfa était une cité prospère, vouée en particulier au commerce de la soie. Cette cité s'est trouvée donc sur une ligne de friction entre les deux grands empires deux grands empires du XVIIe siècle de la région, c'est-à-dire l'Empire ottoman et l'Empire perse. Et ces deux empires, eh bien, ils pratiquaient dans ces provinces arméniennes, à tour de rôle, la politique de la terre brûlée. C'est dans ce cadre-là, lors d'un des épisodes d'une guerre turco-persane, que le shah Abbas Ier, un des premiers de la dynastie safavide, décide de détruire Djoulfa et de déplacer toute la population de la ville, de la vallée de l'Araxe et même de la plaine de l'Ararat vers sa nouvelle capitale, pardon, qui était donc celle qu'il a créée pour sa dynastie, Ispahan, qui se trouve à 1000 kilomètres plus au sud. Donc, ça a représenté 20 000 personnes déplacées, seulement 4 000 survivants, dont certains se sont installés le long du parcours, et dont une partie non négligeable est quand même arrivée à Ispahan. Le but du shah Abbas était de créer une classe de marchands chrétiens qu'il allait vouer au commerce extérieur. Donc on arrive à la création en 1615 par le shah Abbas d'un quartier, d'un petit territoire en périphérie d'Ispahan, attribué aux Arméniens et que ces émigrés vont baptiser la nouvelle Djoulfa, évidemment en référence à la cité perdue. Au XVIIe siècle, ça a été vraiment un âge d'or pour cette civilisation arméno-persane, pour ces Arméniens de la nouvelle Djoulfa. Tous les voyageurs en Perse en ont parlé, de la nouvelle Djoulfa, tout le monde a admiré ce quartier, sa construction, son urbanisme. Beaucoup de textes très élogieux sur la sublime cathédrale Saint-Sauveur, qui est tout à fait préservée, qui est encore magnifique et qui fait partie d'une enceinte muséale à Isfahan maintenant. Cet âge d'or pour les Arméniens a été possible parce que ça a été aussi un âge d'or pour la Perse safavide à l'époque d'Abbas le Grand. Un âge d'or au cours duquel donc il y a eu un développement économique fantastique, c'est-à-dire que le pari de Abbas le Grand a marché. En utilisant ses marchands arméniens chrétiens, il a pu développer le commerce avec l'Europe. Lui, la Perse produisait en grande abondance la soie, mais avait en trop petite quantité l'argent, la matière nécessaire pour frapper monnaie. Et donc, il y a eu ces échanges, soie contre argent. Le commerce des marchands arméniens a été très bien étudié, très longuement, par Ina Bagdiant-McCabe. Et elle a insisté sur le rôle qu'ont joué ces marchands arméniens dans la construction de l'État safavide. Mais alors là, nous ne sommes toujours pas en Inde, c'est-à-dire que nous avons une communauté arménienne en Arménie qui est déplacée vers Ispahan. Mais qu'est-ce qui fait que cette communauté d'Ispahan doit ensuite arrive jusqu'en Inde, jusqu'à Madras? Voilà, tout siècle d'or a une fin, tout âge d'or a une fin. Et donc, la suite des Séfévides, l'invasion et l'occupation afghane, les troubles politiques, etc., la fin de la tolérance religieuse, ont fait que beaucoup d'Arméniens sont allés chercher refuge de la nouvelle Djoulfa à Madras. Alors pourquoi Madras? Parce que c'était, ça leur permettait d'échapper à un empire redevenu intolérant. Et puis c'était un grand, je ne peux pas dire port, puisque le port de Madras est très très tardif et qu'il n'y en avait pas encore à l'époque où les Arméniens sont arrivés, mais c'était un grand centre de commerce maritime. Et donc les Arméniens, une colonie, sachant que le mot colonie n'a pas du tout le même sens qu'en français et n'a rien à voir avec la colonisation, hein, mais donc un nombre non négligeable d'Arméniens se sont installés à Madras, et de Madras ensuite ont essaimé en Indonésie, à Malacca, aux Philippines, en Chine. Tout ça est très très bien étudié dans un livre de Kéram Kévonian et Sushil Chaudhuri. Il s'agit en fait des actes d'un colloque qui s'appelle « Les Arméniens dans le commerce asiatique » au début de l'ère moderne. Voilà, Et donc là encore, il y a eu vraiment une période de réussite notable sur le plan commercial et qui a donné, ces positions sociales sont un des éléments qui ont permis aussi à cette colonie de Madras de s'affirmer politiquement dans le monde arménien. Et c'est là qu'on peut en venir au piège de l'orgueil. Voilà, le piège de l'orgueil qui est cette construction d'une proto-constitution en 1773 à Madras. C'est une possibilité de regarder l'expansion vers l'Est, vers l'Asie, mais le regard que l'on peut porter sur la diaspora arménienne nous conduit également à l'Ouest. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, David Vincent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Xavier Boudu. Vous êtes docteur en histoire. Votre thèse était intitulée « Les images des Arméniens dans les récits des voyageurs français au XIXe siècle ». Vous l'avez publié, hein, « Les Arméniens donc dans ces récits des voyageurs français ». Dites-nous, David Vincent, dans le regard que vous portez, vous, sur les Arméniens, il y a des Arméniens à Venise, il y a des Arméniens en France, évidemment, à Constantinople, mais là aussi, c'est une évidence. Ce regard porté par les Européens, et notamment les Français, prend partie de cette diaspora, c'est comme une évidence, c'est ce regard d'un peuple de marchands. Oui, tout à fait. Alors, ce que nous apprennent, c'est ce que nous montrent ces récits de voyage, c'est tout d'abord une image très stéréotypée de l'Arménien. On a des descriptions de l'Arménien négociant, banquier, dans les grands centres urbains de Constantinople, de la nouvelle Djoulfa, de Tiflis, de Smyrne. C'est cette image d'un Arménien prospère, d'un Arménien riche, voire ouvert aux lumières, voire même pour certains francophiles. En gros, c'est cette image de l'Arménien de l'élite, parce que finalement, ces voyageurs français, on pourra y revenir, appartiennent eux-mêmes à l'élite, élite socio-économique, élite culturelle. Et quand ils se rendent dans l'espace arménien de peuplement, eh bien, c'est leur semblable qui les accueille, et le regard, de fait, va être biaisé par cette condition inhérente au voyage et à l'écriture du voyage. Cette image stéréotypée de l'Arménien, en décalage finalement avec ce qu'est véritablement, historiquement, sociologiquement, le monde arménien du 19e. Et puis ces Arméniens qui nous intéressent aujourd'hui, ceux qui se trouvent à Madras en Inde, rédigent ce texte. Nous en parlons depuis tout à l'heure, c'est le piège de l'orgueil. Donc nous sommes en 1773, hein, quand ce texte est rédigé par un homme qui a été cité déjà, hein, c'est Akob Shahamirian. Le mieux pour comprendre le contenu de ce texte et le saisir, c'est d'en entendre une lecture qui nous est offerte ce matin dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. De même que l'on peut prélever une petite quantité de blé sur une aire qui contient des milliers de livres, et connaître, au vu de son aspect, la qualité et la valeur du blé de toute l'aire, les résidents d'un certain nombre de foyers situés sur notre territoire éliront dans leur sein deux hommes seulement. ces deux personnes représentant l'ensemble des foyers accompliront les actions pour lesquelles cette multitude de personnes les délèguera. Il suffit donc de réunir, en lieu et place de toute la population du territoire d'Arménie, 500 hommes environ, par l'intermédiaire desquels seront votées et instaurées des lois acceptables pour notre pays tout entier. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait de ce texte, Le piège de l'orgueil, un texte de 1773, rédigé par la communauté arménienne à Madras. Dites-nous, Satenig Badvagan Toufanian, qu'est-ce que ce texte? Pourquoi des Arméniens, une communauté arménienne de marchands installée à Madras en Inde, se dit « je dois rédiger une constitution ». Alors, ils ne disent pas constitution, mais nous l'avons entendu dans la lecture d'Olivier Martineau. Ils voient qu'il faut 500 personnes environ, avec deux par foyer, etc. Enfin, c'est extrêmement réfléchi, c'est construit. Pourquoi à ce moment-là, ce texte? Oui, en fait, ce texte ne pouvait voir le jour qu'à Madras. Donc, c'est pas du tout étonnant, en fait. À Madras, les Arméniens ont trouvé une liberté totale, c'est-à-dire qu'ils étaient loin du centre politique, qui était donc Ispahan, en Perse. Ils étaient loin du centre religieux, qui était Etchmiadzin, à l'époque au nord de la Perse, maintenant évidemment en Arménie. Et aussi bien les autorités politiques que les autorités religieuses, mais surtout en fait les autorités religieuses, pouvaient exercer une censure sur les écrits. Et à Madras, même si le catholicos d'Etchmiadzin, le patriarche suprême, envoie des lettres d'excommunication, demande de jeter tous ses ouvrages au feu parce que ça va attirer des ennuis aux Arméniens qui sont sous la férule, sous la tutelle persane, les Arméniens de Madras n'ont pas grand-chose à faire de ces ordres. Un des personnages prééminents de cette colonie, c'est le père de Agop, parce qu'Agop est mort très jeune, et donc ce père, Shahamirian, s'est doté d'une imprimerie. Il avait les moyens financiers, il pouvait imprimer ce qu'il voulait. Son éloignement, sa position excentrée par rapport au centre de décision politique et religieuse lui permettait une grande latitude. Et puis, certains spécialistes ont avancé aussi l'idée que probablement les Shahamirians, comme certainement d'autres marchands de la nouvelle Julfa, étaient peut-être d'anciens nobles du Nakhitchevan. Les structures sociales, évidemment, de l'ancienne Julfa au Nakhitchevan ont été détruites avec la déportation et avec le temps, mais peut-être que le souvenir de cette ancienne noblesse ne s'était pas totalement effacé, parce que le père Shahamir, a des correspondances avec le roi de Géorgie orientale, avec les catholicos successifs. Donc, personne ne lui dit « mais qui es-tu pour nous adresser la parole et pour nous dire qu'il faut créer un État indépendant et doté d'une constitution de nature à en faire une république et un État de droit ?» Personne ne semble remettre en cause sa légitimité. Donc on peut effectivement, même si elle est difficile à étayer, adopter cette hypothèse. Et enfin, dans les années 70-80, des circonstances historiques, un traité avec la Russie, vont faire que l'Arménie, qui n'avait plus d'État depuis le XIVe siècle, risque bien de pouvoir en constituer un. Et là, compte tenu des idées, on va dire des lumières, de ce cercle de Madras, la première idée qui leur vient à l'esprit, c'est avant même un nouvel État, écrivons une constitution de façon à empêcher que ce nouvel État soit une nouvelle un nouveau despotisme ou une nouvelle tyrannie. Nous nous trouvons dans la communauté arménienne de Madras à la fin du XVIIIe siècle. Effectivement, le contexte change, la Géorgie lutte pour son indépendance, le Caucase est en train de bouger avec l'avancée de la Russie. Aux États-Unis, une constitution est rédigée. Nous pouvons comprendre pourquoi il y a cette réflexion d'un État possible pour l'Arménie avec un regard sur la circulation des idées aussi. Est-ce que vous pensez, Satenig Toufanian, qu'il y a en Arménie la lecture de tous ces textes venus d'Europe des Lumières? Vous nous avez dit que ceux qui rédigent cette constitution tiennent une imprimerie. Nous les imaginons en train de lire Voltaire ou Montesquieu. Oui, alors il y a effectivement de grands transferts culturels à l'époque, notamment par les bateaux anglais ou européens d'une façon générale qui apportent des journaux, des gazettes, d'où d'ailleurs l'idée chez les Arméniens de Madras de créer eux aussi un périodique. Le premier périodique arménien a vu le jour à Madras. C'est l'ancêtre donc de la presse arménienne. Donc effectivement, c'est une imprimerie en arménien avec des caractères arméniens qui est créée par Shah Amirian, mais il est informé d'à peu près tout ce qui se passe en Europe avec un léger décalage. C'est-à-dire que les Arméniens d'une façon générale. Tous ceux qui c'est pas un peuple de marchands, je dirais pas ça, c'est un peuple de paysans, mais la catégorie des marchands s'est tellement déplacée que beaucoup de ces Arméniens ont été des passeurs de culture. Donc à Venise aussi, il y a eu une imprimerie précoce et donc la congrégation des Mekhitaristes a beaucoup fait pour traduire. Et donc effectivement, à Madras, il y a eu une imprimerie qui a fonctionné pendant 40 ans. Et qui a publié environ 40 ouvrages, dont beaucoup sont des traductions d'œuvres européennes telles que Voltaire, traduction en arménien de La mort de César de Voltaire, traduction en arménien de Florian de Marmontel, de Buffon. Moi, c'est ce qui m'a le plus étonnée. Qu'à Madras, on puisse publier des extraits de l'histoire naturelle, puisque c'est une idée qui est tout à fait contraire au créationnisme religieux, et c'est certainement que ce texte n'aurait pas pu être publié justement en Arménie, plus proche du patriarcat suprême. Un autre petit exemple, dans la fameuse presse arménienne, le périodique Astaraj, qui veut dire le moniteur, on publie un article sur le premier vol en ballon des frères Montgolfier, quelques années après que ce premier vol en ballon ait eu lieu. Il a eu lieu en 1783, et quelques années après, ces articles sont traduits en arménien et publiés. Et donc, cette espèce de bouillon de culture culturelle, de bouillon de culture des idées, je veux dire, à Madras, ça fait que ça a été une des sources du piège de l'orgueil. C'est-à-dire que non seulement les deux auteurs ont été informés des événements politiques, historiques qui se sont produits dans le monde occidental et oriental, parce qu'ils sont tout à fait au fait de ce qui s'est passé en Perse et ailleurs, et évidemment en Inde aussi, des mouvements de lutte. En fait, ils ont beaucoup à cœur de renverser. C'est le XVIIIe siècle, de montrer que des institutions ou des pouvoirs politiques qui existent de longue date peuvent parfaitement être renversés. Et ça, c'est essentiel dans la rédaction de ce piège de l'orgueil en 1773 par la communauté arménienne de Madras. Oui, rédigé par ceux qui tiennent une imprimerie, importance de l'imprimerie, des lectures, de l'écrit et donc de l'école. Dans tout le pays, de la plus grande ville jusqu'au plus petit village, et même chez les nomades, il doit y avoir des instituteurs. Dès qu'un village atteint 25 foyers, il doit rémunérer deux maîtres. L'un pour apprendre aux enfants à parler et à écrire l'arménien, l'autre pour enseigner aux garçons le maniement des armes. Les filles, comme les garçons, devront apprendre à lire. Et les garçons devront en sus recevoir une instruction militaire identique pour tous. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait du Piège de l'orgueil. Dites-nous, dans la construction, là encore, d'un imaginaire national, il y a ce texte magnifique de 1773, mais cette énigme vagueante ou fanéant, quelle est sa portée? Il n'a jamais été vraiment appliqué. L'Arménie n'est pas un État immédiatement après, bien sûr, toujours non. Divisé entre les empires. Quelle est sa portée? Mais sa portée elle est multiple. D'abord, ça a permis d'établir ce texte qui a été envoyé au roi de Géorgie orientale, Iraklie II. Ce texte a influé sur la politique d'ouverture et d'alliance avec ce roi. Ce texte, il a aussi eu une extrêmement grande importance dans la tradition arménienne, parce que même s'il n'a pas été appliqué tout de suite, bien qu'il ait été tout de suite mis en honneur au moment de l'indépendance, au début de l'indépendance actuelle de l'Arménie, hein, au début des années 90, immédiatement à l'Assemblée nationale d'Arménie, à la Cour constitutionnelle, on a ressorti les portraits des Shah Amirian, on a republié le Piège de l'orgueil, il a été à cette époque-là traduit en arménien moderne. Donc c'est vraiment une sorte d'icône dans la tradition arménienne, mais sur le moment, son importance a été la suivante, c'est qu'en montrant qu'un état de droit et qu'une souveraineté est possible pour les Arméniens aussi, c'est un texte qui constitue un sursaut de fierté et de dignité de la part des Arméniens, qui, depuis tant de siècles, était dominé par des nations étrangères et qui avait même oublié qu'ils pouvaient accéder, enfin qu'ils auraient le droit eux aussi à la liberté et à la souveraineté. À un moment, Shah Amirian écrit « Mon peuple a oublié le chemin de la liberté ». Et donc, c'est un sursaut de dignité qui se veut aussi un appel à la dignité et à la fierté, et qui cherche à redonner la fierté, d'où d'ailleurs on le voit dans l'extrait sur l'école, il faut apprendre, mais en fait à l'époque ça veut dire il faut réapprendre l'arménien, parce que même la langue arménienne, donc cette société arménienne était morcelé entre des empires qui ne favorisaient pas du tout l'utilisation de cette langue vernaculaire, hein, au contraire, et donc surtout dans l'Empire ottoman. Se réapproprier sa propre histoire, sa propre langue, être en état d'exercer une citoyenneté, c'était quelque chose que les Arméniens ne pouvaient même pas imaginer en rêve, et même si les fruits ont été portés plus tard et peut-être très discrètement par cette œuvre. Malgré tout, sur le moment, c'est à la fois l'émanation d'un sursaut de dignité et un appel à ce sursaut de dignité et donc à la lutte de libération. Eh bien voilà, merci beaucoup, hein, Saténique Badvanian Toufanian, de nous avoir présenté ce péché, ce piège de l'orgueil, ce texte essentiel de la fin du XVIIIe siècle de la communauté arménienne à Madras, qui regarde l'Occident en lisant notamment Voltaire, Montesquieu et Buffon. Eh bien, maintenant nous allons nous intéresser au regard porté par l'Occident sur l'Arménie, par les voyageurs. Et au moment de préparer cette émission, nous sommes réunis avec toute l'équipe en vidéoconférence avec Marion Dupont, Toscane Viodès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins, Maïwen Giziou, Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang dans le cours de l'histoire. Et nous sommes dit voyage et Arménie. Il faut absolument écouter Shanur Vahingyan Aznavourian, plus connu sous son nom de Charles Aznavour, évidemment, emmenez-moi. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout. Charles Aznavour qui nous demande de l'emmener au bout de la terre, mais c'est lui qui nous emmène au bout de la terre dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire sur France Culture qui toute semaine s'intéresse à l'Arménie, au carrefour des empires, des émissions à écouter, à podcaster pour la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Nous avons évoqué ce piège de l'orgueil qui est produit dans la communauté arménienne de Madras en Inde au XVIIIe siècle. Mais il y a un autre regard à porter sur l'Arménie, celui des voyageurs qui vont visiter l'Arménie, qui partent par là-bas. Dites-nous, David Vinson, pourquoi partent-ils au XIXe siècle en Arménie? Il y avait le Grand Tour en Italie qui a été longtemps le passage obligé des visiteurs. Mais au XIXe siècle, le regard se porte encore plus loin. Alors, au XIXe siècle, les raisons et les conditions du voyage sont multiples. On a plusieurs catégories de voyageurs qui se lancent vers l'espace arménien. Des voyageurs très différents, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de leur motivation. Alors on a les grands diplomates qui sont envoyés dans des missions officielles, comme par exemple Olivier, qui est envoyé dans l'Empire ottoman au moment de la Première République française. On a les grandes missions napoléoniennes en Perse, avec par exemple Romieux et la très très grande mission de Gardanne. On a des consuls qui dans le cadre de leur mission diplomatique nous révèlent tout un pan de l'Arménie et des Arméniens du 19e. On a à côté de ces voyageurs diplomatiques une source très importante qui sont les grands voyages scientifiques, archéologiques, géographiques, naturalistes, avec des missions qui sont financées par l'État français, par le ministère d'instruction publique, par la Société de géographie. Parmi tant d'autres, c'est par exemple un très grand arménologue français, Victor Langlois, qui se rend dans les années 1850 en Cilicie, dans la petite Arménie, et qui nous livre un regard extrêmement précis des Arméniens de Cilicie. On a également une catégorie de voyageurs qui nous a laissé des témoignages très précieux, qui sont ce que j'appellerais les voyageurs entre guillemets religieux, tous les pèlerins et tous les missionnaires qui se rendent dans l'espace arménien. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de missions catholiques visant à ramener ces Arméniens qualifiés de dissidents, de schismatiques dans le giron de l'Église romaine. C'est par exemple un grand missionnaire qui s'appelle le révérend Père Amédée de Damas, qui est responsable de la mission jésuite en Arménie, qui s'installe à Constantinople et qui là va multiplier les tournées et les rapports dans les différentes missions d'Arménie. Nous avons également tout ce qui relève du voyage littéraire, avec des grands noms de la littérature française, Lamartine, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, qui partent en Orient en général et en Arménie en particulier, pour rechercher l'inspiration, l'illumination. C'est par exemple le voyage initiatique de Gérard de Nerval. Dans la seconde moitié du 19e, une catégorie apparaît qui va véritablement déferler sur l'Orient et l'Arménie en particulier, ce sont les touristes, le touriste pressé, qui visitent les grands centres urbains, qui visitent parfois l'Arménie historique, qui traverse parfois le Caucase. On a enfin quelques journalistes envoyés par leurs journaux pour faire des reportages, ainsi que des médecins. Enfin, on a une pluralité des voyageurs, une pluralité des conditions de voyage, ce qui explique aussi que le regard soit extrêmement diversifié et pluriel sur le monde arménien de l'époque. Voilà, et donc un voyage qui se parcourt partout, traverser la Méditerranée, visiter la Grèce, évidemment, parfois l'Égypte, la Cilicie aussi, pour arriver en Arménie. Je vous propose l'extrait d'un texte, un récit de voyage, Voyage aux Indes orientales. Il est écrit par Charles Bélanger, qui est botaniste et naturaliste, c'est un Français. C'est une lecture d'Olivier Martineau. Enfin, nous vîmes briller sur les dômes d'Etchmiadzin, le symbole vénéré des chrétiens. Je me sentis pénétré d'un sentiment de respect pour ces lieux qui virent renaître le genre humain. L'archevêque, qui remplaçait le patriarche, entouré de plusieurs évêques et de religieux, vêtus de robes et de manteaux à capuchon noir, nous reçut avec l'effusion d'un chrétien, heureux de voir des frères. Sa parole était douce et prévenante. Sa physionomie respirait la sérénité. La joie brillait dans les yeux du prélat. Le botaniste Charles Bélanger, qui est fasciné de trouver des chrétiens en Arménie. Et puis, dans son texte, nous l'entendons, il voit renaître le genre humain. Il a l'impression, c'est moi ce que je ressens, de toucher les origines du christianisme. David Vincent, est-ce que c'est cela qui attire les voyageurs français jusqu'en Arménie ? Alors pas seulement, effectivement, il y a ce rêve d'un Orient immuable, cet Orient berceau du christianisme qui peut attirer un certain nombre de voyageurs, mais d'un autre côté, il y a aussi ce rêve de l'Orient des mille et nuits, de cet Orient sensuel, de cet Orient du luxe, de l'exotisme. On a différents attraits qui nourrissent cet imaginaire, qui aux prises avec à la fois le sentiment romantique qui déferle sur le début du 19e siècle, mais également qui est modelé par le paradigme orientaliste, pour reprendre la thèse d'Edward Said, même si elle a été quelque peu critiquée, de cet Orient créé par l'Occident, de cet Orient créé par l'Occident triomphant du 19e, une espèce d'appropriation-création qui vise finalement à modeler l'autre à son image. Et dans ce cadre-là, puisque le voyage en Arménie recoupe le cadre du voyage en Orient, on va avoir tout un certain nombre de représentations qui s'y rattachent. Par exemple, les Arméniens sont en général qualifiés d'orientaux, apparaissent comme un simple élément du décor oriental dans beaucoup de voyages, élément du décor oriental, du décor pittoresque, par leurs mœurs, leur physionomie, leurs pratiques sociales, culturelles. On a une certaine exotisation du regard, c'est par exemple tous ces voyageurs qui nous décrivent le rituel du café, le rituel du tabac très présent chez les Arméniens, qui nous décrivent leurs habitudes alimentaires, ne manquant pas d'ailleurs de faire part de leur impression gustative. Les costumes arméniens sont une source d'inspiration et de description très présente. On a donc tout cet imaginaire de l'Orient, cet imaginaire à la fois sensualiste, à la fois pittoresque, qui va modeler l'image de l'Arménien. Et d'un autre côté, on a également la grande image de cet Orient né dans l'époque classique, avec cette image de l'Orient du despotisme, de l'Orient de l'ignorance, qui va faire finalement au XIXe siècle, pour les voyageurs, de l'Arménien un persécuté, une victime des despotismes ottomans et persans. Et oui, et d'ailleurs, il y a une assimilation qui est faite avec les Juifs, et ben notamment par Alexandre Dumas. Comme les Juifs, les Arméniens ont été dispersés, non pas dans le monde entier, mais dans toute l'Asie. Là, ils sont passés sous les dominations de toutes espèces, mais toujours despotiques, mais toujours de religions différentes. mais toujours barbares, n'ayant que leurs caprices pour règles, que leur volonté pour loi. Il en résulte que, voyant que leur richesse était un sujet de persécution, ils ont dissimulé leur richesse. Reconnaissant qu'une parole franche était une parole imprudente, et qu'à cette parole imprudente leur ruine était suspendue, ils sont devenus taciturnes et faux. Ils risquaient leur tête à être reconnaissants envers un protecteur d'hier en disgrâce aujourd'hui. Ils ont été ingrats. Enfin, ne pouvant être ambitieux, puisque toute carrière leur était fermée excepté celle du commerce, ils se sont fait commerçants avec toutes les ruses et toutes les petitesses de cet État. Eh bien voilà, Olivier Martineau qui nous lit un extrait des impressions de voyage en Russie d'Alexandre Dumas. Nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle. David Vincent, il y a une association qui est faite entre les Arméniens, les Juifs, les Grecs également. Ce qui préoccupe en France notamment ces peuples qui sont dominés par l'Empire ottoman. Oui, alors cette assimilation que l'on retrouve dans quelques récits de voyage entre l'Arménien et le Juif, ça tient à une condition qui à bien des égards est semblable, mais qui est également très différente. Tout d'abord, une condition semblable, puisque tout à l'heure, Saténique nous a parlé de ces colonies arméniennes un petit peu disséminées, de cette diaspora arménienne qui émerge déjà au XIXe siècle. On a le même type de diaspora urbaine et commerçante chez le peuple juif. Et quand nos voyageurs débarquent à Constantinople ou à Izmir, ce sont ces commerçants juifs, arméniens, grecs qu'ils rencontrent en priorité, d'où cette image quelque peu surfaite de l'arménien juif et du juif commerçant, que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des récits de voyage et bien sûr des guides de voyage de l'époque. Et là, on songe en particulier au grand guide de voyage dans l'Empire ottoman qui est le guide Johann de 1873, qui clairement parle des Arméniens comme l'égal des Juifs, dont il est, je le cite, l'émule et le rival. C'est une image qui est largement partagée, mais qui, en réalité, Saténique nous en a parlé tout à l'heure, ne correspond pas du tout à la réalité sociologique du monde arménien du 19e. Oui, il y a l'écart incroyable, hein, toujours entre le regard porté sur une population et la réalité du vécu de cette population. Et puis, il y a l'évolution du regard. David Vincent, la France se sent protectrice, des Juifs en partie, des chrétiens d'Orient, et puis des Grecs. Mais le regard évolue à la toute fin du 19e siècle. C'est cela qui est intéressant pour comprendre aussi notre relation complexe avec l'Arménie. Alors, je dirais que ce regard, il évolue dans le premier tiers du siècle, deuxième moitié du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a une partie du peuple arménien qui se retrouve sous le giron d'un empire chrétien, c'est la Sainte-Russie, c'est l'Empire russe. On a en effet, à la fin du 18e et surtout au début du 19e siècle, une poussée russe en Transcaucasie et dans le Caucase. Ça avait commencé avec Catherine II et son annexion de la Crimée. Puis, à l'issue des guerres russo-persanes, l'Empire russe annexe un certain nombre de khanats perses qu'elle intègre à son empire, en particulier en 1828 avec le grand traité de Turkmenchay. Ce sont les khanats de Yerevan, Nekhatchevan qui sont annexés. Et de fait, ça propulse un certain nombre d'Arméniens, en particulier des Arméniens agriculteurs, des Arméniens ruraux, dans un nouvel ensemble qui ne relève pas vraiment de l'imaginaire oriental, qui est la Russie, cet empire chrétien qui se revendique européen. Et de fait, ce regard il va évoluer d'abord avec la naissance de ce que je qualifierais d'une nouvelle entité arménienne, qui est celle de l'Arménien de Russie. Et dès lors va se poser pour nos voyageurs la question de savoir si cette poussée russe et cette intégration des Arméniens dans la Sainte-Russie est un bienfait ou plutôt quelque chose qui serait négatif. Et là, dans cette vision-là, on a un regard qui suit les aléas de la politique française, des relations franco-russes, avec par exemple un regard très négatif sur la domination russe au moment de la guerre de Crimée. Et là, on va parler de la barbarie russe à l'encontre des Arméniens, et en particulier on va parler de toutes les oppressions, de toutes les discriminations qui frappent les catholiques arméniens en Russie, puisque le monde arménien sur le plan confessionnel est divisé en une grande majorité d'Arméniens grégoriens apostoliques, dirigés par le Catholicos d'Etmiassine, dont on a entendu tout à l'heure un témoignage par Bélanger, et une minorité catholique qui bien sûr plaît à ces voyageurs français et qui pour la France peut être considérée comme entre guillemets une clientèle en Orient. Enfin, 19e siècle, les missions anglaises et surtout américaines vont parvenir à convertir un tout petit nombre d'Arméniens à la religion protestante, et donc fin du 19e, on a une société arménienne éclatée entre ces trois confessions qui peuvent s'assimiler à un éclatement entre plusieurs clientèles d'États européens ou russes. Oui, et puis évidemment, à la toute fin du 19e siècle, le regard se pose aussi sur les massacres qui sont commis dans l'Empire ottoman, sur les Arméniens, qui est quelque chose qui dépasse simplement le récit de voyage. Ce sont des échos que l'on va trouver également dans la presse sans cesse, hein, David Vincent. Oui, oui. Alors, c'est vrai que là, cette image de l'Arménien victime persécutée, elle va s'épanouir au 19e avec les massacres perpétrés par Abdolhamid, hein, le fameux sultan rouge, qui vont entraîner un certain nombre de révoltes arméniennes dans le Sassoun, à Zaytoun, qui font suite à des revendications arméniennes. C'est à la fin du 19e siècle une certaine prise de conscience nationale qui va toucher la communauté arménienne, dans le prolongement d'ailleurs du reflux de l'Empire ottoman dans les Balkans. Et cette prise de conscience nationale, instrumentalisée parfois par l'Empire russe ou par les puissances européennes, en particulier par la France, va engendrer des massacres dans l'Arménie historique et en Cilicie, qui vont se répercuter dans la presse française, qui va se faire écho de toute une série d'exactions à l'égard des Arméniens, et qui va engendrer en France même la naissance d'un mouvement arménophile extrêmement puissant, structuré, avec des personnages de renom comme Clémenceau, comme Anatole France, comme Séverine, qui prennent fait et cause pour ces Arméniens persécutés et pour le coup, à ce moment-là, fin du 19e, exterminés par Abdolhamid. Voilà, un jeu de regard, ce regard porté sur l'Arménie. Et je renvoie David Vincent à votre ouvrage, hein, Les Arméniens dans les récits des voyageurs français au 19e siècle. Et le regard porté par les communautés arméniennes sur la production, notamment celle du siècle des Lumières. Et là, je renvoie aux ouvrages de Saténique Badvagan Toufanian, notamment Le piège de l'orgueil ou encore Rendez-vous à Madras. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir fait voyager ce matin. Et pour poursuivre le voyage dans le cours de l'histoire, nous retrouvons Anaïs Esquien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Esquien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, une guerre qui attendait tranquillement qu'on raconte son histoire. Arte diffuse dès ce soir un documentaire consacré à l'histoire de la guerre économique. Une guerre comme une autre, il s'agit toujours de gagner quant aux vaincus, et bien qu'ils se consolent en payant leurs factures. Mais l'histoire des guerres économiques, c'est surtout l'histoire de l'échec d'un vœu pieux, celui d'un commerce libre pour tous, qui remplacerait les méthodes de guerre conventionnelles pour assurer une saine émulation entre nations concurrentes. Le bonheur planétaire semblait à portée de main lorsque Churchill et Roosevelt signaient la Charte de l'Atlantique en 1941, avant de faire cause commune dans la Deuxième Guerre mondiale qui faisait déjà rage. Par cette charte de l'Atlantique, les parties en présence s'engageaient à ouvrir le commerce international à tous les États. Une concurrence sans armes létales serait garante d'une paix mondiale durable. Un vœu pieux largement jeté aux oubliettes ces dernières années, si l'on en croit les relations exécrables de la Chine avec les États-Unis. Les guerres commerciales éclatent sans cesse, une guerre froide vieille comme l'humanité commerçante, à grands coups d'import-export. Cet accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis établissait bien un constat, le nerf de la guerre était là et ce n'était pas nouveau. À commencer par les plus célèbres, les guerres de l'opium du 19e siècle, souvent citées comme la confrontation sale et indigne originelle entre l'Occident et la Chine. C'est pour percer sur le marché chinois, qui se refusait à leur ouvrir ses ports et ses consommateurs, que les Britanniques irriguent clandestinement le pays avec l'opium indien. Sa consommation toxique par les Chinois exaspère les relations entre les gouvernements et devient bientôt le prétexte d'une intervention militaire pour justifier l'implantation par la force de comptoirs commerciaux. Une stratégie tout à fait perfide et efficace au nom d'un commerce sans entrave. Au nom des vertus pacifiques du libre-échange dont ils sont les inventeurs, les Britanniques déploient tous les moyens de contrainte pour faire entrer la Chine dans l'ordre mondial tel qu'ils le rêvent, alors soutenue ponctuellement par la France, qui ne tergiverse pas longtemps. Toutes les nations sont de valeur égale. Elles sont sœurs et font partie de la grande famille humaine. Elles devraient donc être solidaires et entretenir des relations amicales, afin de contribuer au bien-être général. C'était précisément cette idée qui animait les marchands anglais lorsqu'ils sont venus ici pacifiquement pour faire du commerce. Ils sont arrivés avec les meilleures intentions du monde, mais ils ont reçu un accueil haineux et ont été maltraités. C'est pourquoi ils se voient obligés d'exiger des garanties. La guerre commerciale se traduit par une guerre très traditionnelle, avec ses armes, ses morts, ses conquêtes, une démonstration de force pour imposer une volonté mercantile jusqu'ici contrariée. Car la guerre économique n'est pas l'exclusivité de la Chine dans ses rapports au reste du monde, elle a fait rage en Europe aussi, et elle continue. Le nerf de la guerre économique au coin de chez nous, l'information et le jus de crâne, les jeux d'influence, la ruse, l'espionnage, le plagiat. Comme la future Allemagne, qui construit sa puissance industrielle en pillant le génie anglais dominant à la fin du XVIIIe siècle pour rattraper son retard dans la première révolution industrielle et se livre pour ça au vol de technologie et à l'achat de machines en contrebande alors qu'il est formellement interdit de les faire sortir de Grande-Bretagne. Voler l'intelligence industrielle pour se faire une place parmi les vainqueurs, un classique en soi, mais une fois que tout a été pillé, il faut commencer à inventer par soi-même, et ça, c'est la suite de l'histoire que vous pourrez découvrir dès ce soir sur Arte, c'est à 23h15. Voilà, eh bien nous y serons sur Arte à 23h15, ou même peut-être un peu avant, on retrouve le journal de l'histoire en podcast pour la balado-diffusion et en ligne sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. L'Arménie au carrefour des empires, c'est ce qui nous intéresse toute la semaine dans le cours de l'histoire et nous allons poursuivre notre histoire de l'Arménie avec le Haut-Karabakh aux origines du conflit. Ça, c'est demain. Les autres émissions sont à écouter et à podcaster sur le site franceculture.fr et l'application Radio France. Ainsi naquit le premier État arménien. Oui, nous allons construire notre histoire de l'Arménie. Nous la poursuivons demain.